Tomorrow. proche du temps, ce qui est joli. Dans le ciel, je te verrai. Je regarde le ciel. Le soleil.